inquiet, j'avais abandonné par Fenrogojin. Suis-je responsable de tout cela, me demandais-je. Et ne pouvant pas répondre à cette question, je me sentais malheureux. Je pénétrai sans y penser dans le jardin d'été. Il était près de 7 heures, le jardin était désert. Il faisait lourd. Un soleil pâle caressait mollement les feuilles des arbres immobiles. Je respirais avec difficulté. La sueur mouillait mon dos. Mais je n'éprouvais plus aucune angoisse. Je me levai et je repris ma marche désordonnée. Je voulais revenir sans tarder à mon hôtel, mais je continuais à avancer. Je pensais de nouveau à Rogojin et à Anastasia Filipovna, à leur mariage, qui ne pouvait les mener qu'à leur perte. Et je me retrouvais quelques minutes plus tard, et à mon insu, devant la maison d'Anastasia Filipovna. Pourquoi être venu ici, me demandai-je. Pour les sauver, s'il en est temps encore. Et je me mis à grimper l'escalier sombre qui menait vers l'appartement d'Anastasia Filipovna. Sur le premier palier, malgré l'obscurité, j'aperçus un homme qui se cachait. Je le saisis par les épaules et je le poussai vers la lumière. C'était parfait, une Rogojin. Un mauvais sourire plissait ses lèvres. Il leva son bras droit et quelque chose brilla. Une grande tristesse envahit mon cœur. Mais je ne fis rien pour éviter le couteau. Et soudain, un cri rauque, pareil à celui de la bête qu'on égorge, sortit de ma poitrine et se répercuta dans l'escalier. Je vis encore une seconde Rogojin avec son couteau levé sur moi. Il semblait terrifié par mon cri, ou par son propre geste, peut-être. Mais déjà, je m'écroulais sur les marches de l'escalier. Dans un dernier effort de volonté, je tentais de retenir les convulsions de mon corps. En vain. Je n'étais plus maître de mes membres qui se tordaient dans un mouvement désordonné. Et bientôt, ma raison sombrant, je ne vis plus rien. Je n'entendis plus rien. Je ne sentis plus rien. Lorsque je revins à moi, je constatai que je me trouvais dans la petite villa du tchinovnik Lebedev, à Pavlovsk. Lebedev, lui-même, se tenait près d'une table. Il sifflait, songeur. Rencontrant soudain mon regard étonné, il se tut. Puis il s'approcha de mon lit et me sourit avec affabilité. Ah, vous voilà hors de danger, prince. Cependant, je vous avoue que vous m'avez causé beaucoup de soucis. Enfin, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Oui, monsieur Lebedev. Mais comment cela se fait-il que je me trouve chez vous? Oh, par un hasard providentiel, cher prince. Je passais devant la maison de Nastassia Filipovna lorsque je vis quelqu'un surgir du portail, l'air égaré. Au secours! Au secours! Il s'est fracassé le crâne en tombant sur les marches! Oh, il est perdu! Malheur à moi! Je reconnus immédiatement notre ami, Parfen Rogojin. Et j'en conclus que l'homme qui s'était fracassé le crâne en tombant dans la maison de Nastassia Filipovna ne pouvait être que vous, prince. Votre esprit de déduction est grand, monsieur Lebedev. Oh, mon dévouement à votre endroit l'est plus encore, cher prince. Je me précipitai donc vers le porche. Et aidé de Rogojin et de Kolia, le fils cadet du général Ivolgin, qui se trouvait là, je ne sais pourquoi, je vous amenais en voiture ici, chez moi, dans cette modeste villa. Merci d'abord de la peine que vous avez prise. Oh, comment pouvez-vous parler de peine, voyons, cher prince? Cela a été pour moi une joie de vous venir en aide. Une très grande joie, croyez-moi. S'il en est ainsi, je me sens moins gêné d'accepter votre hospitalité. Et... qui est cette personne que vous n'avez pas laissé entrer dans ma chambre tout à l'heure? Ah, vous vous en êtes rendu compte? Je pensais que vous étiez encore sans connaissance. C'était le général Ivolgin, le père de Gabriel Ardalionitch. Je respecte profondément cet homme, victime immolée sur l'autel de ce dieu tout-puissant, l'alcool, mais Ce n'est pas une compagnie pour vous, honorable prince. Vraiment pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Et pourquoi avez-vous renvoyé les deux fils du général Ivolgin, Gabriel Ardalionitch et Kolia? Eh bien, parce qu'au fond, je suis affreusement jaloux de l'affection que vous pouvez témoigner aux autres. Car je vous veux tout entier pour moi, pour moi seul. Ah, quelle abomination! Et quelle prétention ridicule, n'est-ce pas? Oh, cela suffit, monsieur Lebedev, vous m'ennuyez. Et vos épanchements me répugnent. Je quitterai votre villa dès aujourd'hui. Vous ferez comme vous le désirez, prince. Mais je vous jure que je plaisantais. Je ne goûte pas ce genre de plaisanterie, monsieur Lebedev. Oh, vous ne pouvez pas les priser, c'est certain, honorable prince. Mais loin de moi l'idée de vous séparer de vos amis. Hein, d'ailleurs, que suis-je? Un ver de terre, une larve humaine, comme me le disait parfait Rogozhin. Oh, non, ne vous fâchez pas, prince. Je me tais. Je ne suis plus qu'un tombeau. Voilà, mon cher prince, vos amis qui reviennent. Et je leur ouvre largement la porte. Entrez. Prenez la peine d'entrer, messieurs, dames. Le prince Mishkin, dans sa bonté, reçoit tout le monde, sans distinction aucune. Car le prince Mishkin a un grand cœur et point de discernement. Et le général Ivolgin, accompagné de ses deux fils, Gabriel Ardalionitch et Kolia, se glissèrent dans ma chambre. À peine eurent-ils le temps de prendre place que la générale Yepanchine et ses trois filles pénétraient à leur tour dans ma pièce. Elles furent suivies de petite Zin, amie de Gabriel Ardalionitch et du prince Chametiev, fiancé de la fille aînée de la générale Yepanchine. Enfin, le général Yepanchine lui-même apparut sur le seuil. Comme si elle avait attendu l'arrivée de son époux pour m'adresser la parole, la générale Yepanchine se tourna résolument vers moi. Alors tu as eu quand même ton attaque, prince. Oui, Elisabeth Prokofievna. On ne le dirait pas. Tes yeux sont clairs et ton teint est bien frais. Non, vraiment, tu n'as pas l'air malade, mon cher. Certes, ta tête est bandée, mais enfin, ça ne signifie rien. Tu aurais pu t'étaler au milieu de la chaussée et te blesser la tête sans avoir eu ton attaque d'épilepsie. Enfin, passons. J'ai confiance en toi et puisque tu affirmes... Pourquoi voulez-vous, Elisabeth Prokofievna, que je vous raconte des choses qui... Enfin, passons, prince. Non, dis-moi plutôt. Tu es toujours seule. Comment... Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi, Elisabeth Prokofievna. Allons, prince. Ma question est tout s'il y a de clair. Je te demande si tu t'es mariée avec cette Nastasia Philipovna. Ne cherche pas à biaiser. Je ne biaise jamais, Elisabeth Prokofievna, vous le savez bien. Oh, ça, c'est vrai. Tu pèches plutôt par une terrible franchise. Bon, alors réponds-moi par oui ou non. T'es-tu mariée avec cette femme perdue? D'abord, Nastasia Philipovna n'est pas une femme perdue. Ensuite, je ne me suis pas mariée avec elle. Cette réponse t'honore, prince. Alors, par conséquent, tu es libre. Eh bien, j'ai une proposition à te faire. Laquelle, s'il vous plaît? Prince, on ne fait pas de proposition comme ça de but en blanc. Pourquoi pas? Allons, ne me faites pas languir. Dites-moi vite ce que vous me proposez. Je te propose... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojin, Jean-Jacques Delbeau, Lebedev, et Gabi Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.